souvenir où cette heure-là, mémoire, commençait. Chemin creux où le pied se dérobe et le faux avenir débitant leur histoire à notre cœur boiteux où nos rêves s'absorbent, cherchant la délivrance au-delà du chaos, remontant de l'enfance dans l'absurde joyau, remontant de l'enfance dans l'absurde joyau, remontant de l'enfance dans l'absurde joyau, tant de rêves à croire, tant d'illusions perdues, sans gloire qui nous ont dévêtus de notre orgueil à naître qu'au gré de notre guise, de bonheur en souffrance, chacun prendra son lot, chacun dans son silence, à son propre tempo, chacun dans sa danse, à son propre tempo, chacun dans sa danse, à son propre tempo. Pourtant, toujours debout, s'il faut suivre sa route, le souffle se fait court, ou la pente trop raide, comme autant de cailloux trébuchant sur nos doutes. Il n'y a que l'amour pour nous venir sa tendre violence, nous tirant vers le haut, brisant notre arrogance et nos airs de cabot, brisant notre arrogance et nos airs de cabot, brisant notre arrogance et nos airs de cabot. J'ai croisé des chemins où chaque pas ceux qui les chantaient, adorer l'autre Dieu, choisir d'autres linceuls, chercheurs de délivrance, empêtrés dans les mots, oublieux de l'enfance, des clowns et des bravos, oublieux de l'enfance, des clowns et des bravos. Insouciant nous allions, sifflotant un refrain sur nos jambes agiles, le cœur plein de confiance et l'âme bien au chaud, savourant cette errance dont nous gardons l'écho, savourant cette errance dont nous gardons l'écho, savourant. Ces chemins creux où le cœur se dérobe, doucement la mémoire couche nos souvenirs. L'enfant ferme les yeux et son rêve l'absorbe. C'est une belle histoire, tout emplie d'avenir. Son âme est en balance sur un fil tout là-haut. Nul ne sait ce qu'il pense quand son sourire éclot. Nul ne sait ce qu'il pense quand son sourire éclos, nul ne sait ce qu'il pense. Et quand son sourire